ce serait à refaire, on me dirait « Vas-y ». Tu repars à zéro et tu as carte blanche. Je referais pareil, moins quelques conneries. Je m'impliquerais plus en retroussant mes manches. Il me semble pourtant avoir bien peu choisi de ces coups du hasard, de ces pokers qui flanchent. On décide si peu de ce qui fait sa vie. La lumière nous vient parfois d'entre les branches, parfois d'entre les branches. On doit faire des choix sans avoir réfléchi. Le temps passe, croit-on, malgré les conséquences. On s'engage à l'aveugle en se disant « Bah, tant pis ». Avant que la roue tourne, on a toutes ses chances. Avant que la roue tourne, on a toutes ses chances. Ce n'est que vers la fin qu'on sait qu'on a dormi. Que tout ce qu'on a vu n'était rien qu'apparence. Qu'on a été trompé, qu'on a été trahi, qu'on aurait dû choisir la désobéissance. Qu'on aurait dû choisir la désobéissance. Une douce musique au-dedans se déroule. Elle va où elle veut, dans le vent envolé. Au fond de l'âme molle, une houle chamboule. L'avenir dessiné sur nos paumes mouillées. Ce n'est qu'à petits pas que l'on fait ce qu'on peut. On marche sur des œufs, on piétine ses rêves, on oublie même aussi qu'on voulait être heureux. Le temps file trop vite. Le voyage s'achève. Ce serait à refaire, on me dirait, vas-y. Tu repars à zéro et tu as carte blanche. Je referai pareil. Pareil. Pareil.